lèvres jailliront de janvier à décembre, qui contempleront ton corps quand il se cambre, mais d'une peine à l'autre, à l'heure où tout est dit, ne comptons plus les fautes. Tout est dit, ne compte plus sur moi, chérie.